peux plus me taire. Y'a trop de frères en cellule, plus les peines sont lourdes et plus ma rage s'accumule. J'fais le bilan et j'vois que le combat est loin d'être gagné. A la finale on voit nos frères s'éloigner, menottes au poignet. J'balance une forte pensée pour tous mes frères qui partent. Sur le son c'est plus ma voix, mais mon cœur qui parle. Quand on y songe, c'est dur de voir un frère qui plonge. La tristesse ronge, mes trois RL ne jettent pas l'éponge. Le ghetto perd encore un ange de plus. Telle est la destinée hardcore de la plupart de nous tous. Mon rap de death, échappe de justesse à l'injustice. Troisième relève, mauvaise langue, condamne ici l'injustice. Hein? Putain c'est trop naze, ce matin ce fils de pute de cut sont descendus. À base de coups de bélier, personne n'a rien entendu. Qui clique, me note à tous les refs et même aux parents. Tu trouves ça normal, la route tourne, t'inquiète, ils auront leur châtiment. Ils te mettent de côté, direction le dépôt, transféré en cellule, sous mandat de dépôt. Apprendre qu'un des nôtres se fait tes sauts, arrive la haine. On t'attend, tiens bon mon ref, durant cette peine. Eh ouais, on nique le système, tous ces juges et ses procureurs. Tous ces gruges, tous corrompus un jour, tendra leur heure. Pour nous, la vie est dure, mais on baisse pas les bras. Non, on n'a pas le droit, ici, bon, on sait que Dieu est grand, faut qu'on y croit. Ah non, n'oublie pas, loin des yeux, mais on se rejoint sur des lettres. Le milieu carcéral, on l'emmerde. Moi, les lois, j'en ai rien à foutre. Comme la plupart de tous les frères dehors qui ont plus rien à perdre. N'oublie pas, loin des yeux, mais on se rejoint sur des lettres. Le milieu carcéral, on l'emmerde. Moi, les lois, j'en ai rien à foutre. Comme la plupart de tous les frères dehors qui ont plus rien à perdre. La relève est la plus belle des langues pour un frère. La plus mauvaise pour ceux qu'on baisse. Ceux qui rêvent nous voir finir dans la merde. Et si ça merde, on s'emmerde, on se démerde comme on peut. Pendant que les frères musulmans prient Dieu, le front contre la terre, ils rêvent nous emmener avec eux au 7ème ciel. Inch'Allah que ça marche, Inch'Allah que ça marchera. Et d'ici là, frère, moi et la petite Mifa on t'oublie pas. Même si t'es pas là, ma ski ne coupera pas la corde sur le joint d'hier, d'hier. Je me souviens qu'on tapait les mêmes flics, tapait les mêmes fuites. Et aujourd'hui, nos vies se terminent pas sur j'ai la nostalgie de certains potes, belle belle de coffre. C'est assagi après des heures de GAV au poste. Après riposte, il s'avère qu'il a été transféré au poste de Nanterre où il y a le vieux préfet et les jurés. Mais j'ai juré qu'ils vont payer toutes ces erreurs commises d'une bise de feu, car c'est l'enfer qui est leur terre promise. Moi je crise, la liberté, t'as pas le droit de l'enlever. Tu tises, fais des péchés, tu te permets de juger. Ouais j'ai pigé qui est le visé de ce système grillé. Au lieu de péter les gros diplomates qui arrêtent pas de briller. À toi de trier, fais le entre bien et mal. Mec tu manques à tous et on t'attend pour le bise légal. Marcoff au pont de Sèvres, toujours les mêmes scènes. Gosse traqué par les schmicks dans ces villes des Hauts-de-Seine. Des sales scènes obscènes. Et ça m'obsède. Comme les proches partis et leurs soviets. Je déprime, alors ma rage crie sur instru. J'écris, je rappe, ça m'évite de faire de sales trucs. Je représente le béton et ses frères. Se coincer du fourgon cellulaire jusqu'aux cellules de Nanterre. Sans savoir la justice punie. Mais qu'est-ce qu'ils en savent de nos vies. D'après eux, j'ai pas le QI qui vaut. Un rap ça dans les halls la nuit. Ils se disent encore inventeur, ça bon qui nuit. N'oublie pas, non, n'oublie pas. Loin des yeux, mais on se rejoint sur des lettres. Le milieu carcéral, on l'emmerde. Moi, les lois, j'en ai rien à foutre. Comme la plupart de tous les frères dehors qui ont plus rien à perdre. N'oublie pas, non, n'oublie pas. Loin des yeux, mais on se rejoint sur des lettres. Le milieu carcéral, on l'emmerde. Moi, les lois, j'en ai rien à foutre. Comme la plupart de tous les frères dehors qui ont plus rien à perdre. Depuis que t'es parti, on se rejoint tous dans ces ruelles sombres. Où on fume le joint, on fait tourner le joint à nos adjoints. Où on rejoint les deux mondes qui nous séparent. Le bien, le mal, le bien fait que t'approches le mal. Le mal fait que trop vagabonde. Plus tes larmes, comme quand le soir mon frère lâche des larmes. Au paroi, j'ai l'impression que t'es loin de moi. Mais dans mon cœur, mon frère, tu restes toujours auprès de moi. À l'avenir, je veux pas que nos petits frères finissent à l'ombre. Aider surtout mon frère à surveiller son ombre. Je compte bien garder tous ces souvenirs au fond de moi. En mémoire de mes frères qui sont partis, mais loin de moi. Je balance un cocktail, explosif, molotov, nocif. De mal à coq, je baisse le système sans préservatif. Pas pour un but lucratif, mais pour les frères de la rue. Massif, cru, sors mes griffes et balaf sous Schmitt. Ensuite, on soulève la batte, sous cuite, ras-le-bas. C'est un grand spectacle, comme voir une boucle se faire agra. Comme ce fils de flic au collège Blanche-Neige et du Caïra. C'est quoi, j'ai fait un rêve étrange. Y'avait tant d'uniformes qui cramaient dans cette tranche. J'avais mis le feu, comme sur cette base grasse. Un aveu, j'suis un psychopathe sérieux. Qui est la morale. N'oublie pas, non, n'oublie pas. Loin des yeux, mais on se rejoint sur des lettres. Le milieu carcéral, on l'emmerde. Moi, les lois, j'en ai rien à foutre. Comme la plupart de tous les frères dehors qui ont plus rien à perdre. N'oublie pas, non, n'oublie pas. Moi des yeux, mais on se rejoint sur des lettres. Le milieu carcéral, on l'emmerde. Moi les lois, j'en ai rien à foutre. Comme la plupart de tous les frères dehors qui ont plus rien à perdre. N'oublie pas, non. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Le pistolet, l'oiseau. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Le chauve, Salim, pour Montréal. On n'oublie pas. Le chat, le grand, le os. On n'oublie pas, Cal fois deux. On n'oublie pas. On n'oublie pas, hein. Avec Luc et Luc. Hey yo, hey yo. On n'oublie pas. Au fond de là-haut. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Il s'en met à la chute. Ouais, ouais. On n'oublie pas, on n'oublie pas. On n'oublie pas. pas le choix.